c'est qu'une fois dans ta vie, et puis voilà, tu vois. Mais maintenant, quand je suis en parachute, ouais, je ressens plus rien. Je suis bien, quoi. Tu vois, tout simplement, je suis bien. Et puis voilà, je pense à ouvrir mon parachute à la fin, et puis point barre, quoi, tu vois. Jacques, oui. Est-ce que tu as déjà volé ? Un petit canif quand j'avais 10 ans. Un canif en plastique. Et encore, c'était pas de moi-même directement, c'est parce qu'un copain voulait que j'en prenne un. C'est tout ce que j'ai volé dans ma vie. Voilà, c'est magnifique. C'est incroyable parce que c'est très très souvent le type de réponse qu'on donne, alors que notre rubrique est effectivement « Tout est dans l'air ». Donc moi, j'envisage plutôt la situation vue de haut, en avion ou autrement. Est-ce que tu as déjà volé ou fait un baptême de l'air ? Non, jamais, jamais, jamais. Ça me ferait plaisir, mais j'ai eu l'occasion. Nina ? Oui, bonjour Philippe. Moi, effectivement, je suis une grande voleuse, c'est-à-dire que je fais énormément de voyages et que ça me plaît beaucoup. J'aime prendre l'avion, j'aime voir les choses de haut, j'aime changer de pays, changer de région et être à l'écoute du monde et des autres coutumes, voilà. Et ça te fait quelle impression quand tu es là-haut ? Une grande impression de liberté. Magnifique. Et toi, Valerio ? Moi, je vole tout le temps, moi. Comme j'ai le vertige, dès que je marche, j'ai l'impression de voler. Donc voilà. C'est vrai que tu es grand. Donc, je suis assez grand, 1m80, donc ça se voit pas à la radio, mais c'est 1m80 quand même. Merci. Laurent ? Oui, j'ai déjà eu l'occasion de voler. J'ai fait à 13 ans un stage de planeur. Et c'est vraiment très relaxant, paisible. On sent comme un petit oiseau dans l'air. J'ai remarqué quelque chose de très intéressant. C'est la première fois que, en tout cas moi et je pense la plupart des membres de l'équipe ici, nous faisons l'expérience du micro-trottoir. Et c'était extrêmement intéressant de se rendre compte qu'avec un micro en main, on parvient à entrer en contact avec des gens et à leur faire dire des choses très intéressantes et parfois très profondes. Nous avons eu l'occasion d'aller visiter la RTBF. Nina va nous introduire sur le sujet. Voilà, à la RTBF, nous avons rencontré essentiellement 3 personnes pour 3 interviews totalement différentes. Nous avons d'abord vu Patrick, qui était guide. C'est en fait un collègue de Zoé qui a... Bonjour, je m'appelle Zoé, et en fait je suis guide à l'RTB. Voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est-à-dire qu'il est le collègue de Zoé et que Patrick guide des groupes pour faire la visite de la RTBF. De Patrick se dégage une énergie très très forte, il a débit de parole extrêmement rapide, des phrases longues, des mots savants. J'ai l'impression qu'il est toujours sur le qui-vive, mais il dit, lui, qu'il est toujours en retard. Donc on a l'impression qu'il est sans cesse à la poursuite du temps. Et j'ai ressenti lors de l'interview qu'il émanait beaucoup de tension de lui, du fait de son verbal, de sa gestuelle. Bien, je propose qu'on écoute le reportage de la RTBF. Alors, dites-moi un peu, quel est votre prénom ? Ah, Patrick, pour les intimes. Enchanté, Patrick. Moi, je m'appelle Christine. Eh bien, Christine, je suis à vous. Merci. Vous avez du temps à me consacrer ? Mais pas beaucoup, mais je prends le temps qu'il faut, sachant que j'ai une obligation dans quelques minutes, donc essayons d'aller vite. Je vous écoute. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Ah, ben, beaucoup de choses, dont essentiellement des relations publiques au niveau de la RTBF, et plus précisément dans le secteur de l'accueil et des visites guidées. Est-ce que le temps pour vous, c'est de l'argent ? Non. Disons que je fais des choses que j'aime. Donc, par définition, il y a une vieille formule qui dit quand on aime, on compte pas. Donc, si je ne compte pas, ben, par définition, l'argent, je ne dis pas qu'il n'a pas d'importance. Je dois payer mon pain comme tout le monde quand je vais chez le boulanger. Je dois payer ma viande chez tout le monde, comme tout le monde quand je vais chez le boucher. Non. Ce que je le fais avec plaisir, avec enthousiasme, avec conviction. Donc, l'argent, c'est évidemment incontournable, mais ce n'est pas indispensable. Est-ce que de temps en temps, le temps vous semble-t-il quand même long ? Jamais. Jamais ? Jamais, avec un grand J. Vous n'êtes pas parfois en train d'attendre dans une salle d'attente, en train de vous dire oh, « c'est long et j'ai des tas de choses à faire ». Non, parce que là, vous allez sourire, ça n'arrive jamais parce que je suis toujours en retard. attends, je n'attendrai jamais dans une salle d'attente, puisque même à l'RTBF, on sait combien je suis souvent juste, c'est parce qu'effectivement l'abondance du boulot est là et que je cours tout le temps. Mais courir dans le sens positif du terme, hein, mais non, blague à part, je suis jamais dans la salle d'attente parce que je suis toujours en retard, je suis toujours reçu quand j'arrive. Donc on peut dire que vous êtes un peu comme le lapin d'Alice au Pays des Merveilles. Faut ne me comparer pas à un lapin, parce que ça pourrait être... je cours tout le temps, mais je ne me compare à rien ni à personne. Outre le fait de courir tout le temps, est-ce que vous vous sentez vraiment stressé par le temps ? Je suis stressé, je le dis souvent d'ailleurs à mes visiteurs ici à la RTBF, tous les guides, donc tous mes confrères et mes consoeurs sont stressés, mais c'est pas un stress maladif. Les animateurs, les techniciens, quand ils sont dans les coulisses de la radio ou de la télévision, sont stressés malgré eux, parce que en radio, et ça Zoé vous l'aura certainement dit ou elle va vous le dire, en radio, on travaille à la seconde près, en TV on travaille au 25e de seconde près, puisqu'il y a 25 images en une seconde. Alors on est toujours stressé parce que quand on voyage avec un groupe, on doit faire attention à ce qui se passe dans un endroit X, on doit essayer d'arriver à une heure précise en un endroit Y, donc on doit faire attention que quelqu'un ne touche pas, qu'un visiteur ne tombe pas dans l'escalier, qu'on ne perturbe pas une émission en cours, qu'on ne fasse pas de bruit dans un endroit où on est occupé de produire. Donc on est stressé en permanence, mais c'est pas un stress maladif, donc on n'en souffre pas. Eh bien, en tout cas, merci. Et vous avez l'air en pleine forme pour toutes les activités que vous faites. Je n'ai pas l'air, je suis. Ah bien, voilà. Merci Allez, beaucoup. Bon après-midi. Bon après-midi. Au revoir. Sacré bonhomme. Marianne, est-ce que tu es souvent stressée ? Oui, ça m'arrive. Est-ce que tu as un truc perso pour gérer le stress que t'induit le temps pressé ? Me promener dehors. Génial. Pour le moment, il fait beau, il faut en profiter alors. Oui, tout à fait. Et toi, Laurent, est-ce que tu prends le temps de la liberté est-ce que tu prends le temps de la liberté quand tu es stressé ? Alors, je suis souvent stressé. Ce que je fais, c'est me sortir et partir marcher. Comme ça, je peux penser à ce que je veux, m'évader. Et... Ça me procure un effet très relaxant. Génial, c'est des bonnes recettes. Rachida, bonjour. Si tu avais trop de temps, comment est-ce que tu ferais pour l'utiliser ? Ce que je ferais tout d'abord, c'est d'aller voir ma famille, partager entre mes amis et faire plus d'activités, par exemple théâtre, cinéma. Donc voilà. Ma chère Zoé, qu'est-ce qui est essentiel pour toi dans ton emploi du temps ? Essentiel pour moi dans mon emploi du temps ? Il est complètement mal foutu, moi. Je fais n'importe quoi. C'est mon plaisir avant tout qui guide mon emploi du temps. C'est assez pratique, mais pour les autres, c'est dur à suivre. Donc ton stress, c'est ton énergie ? Mais le stress est agréable puisque je fais ce que j'aime bien. Je stresse agréable. Je stresse agréable, waouh, génial. Après Patrick, j'ai eu le grand honneur d'interviewer le journaliste de la RTBF, Jonathan Bradfer. Et voilà, je propose, sur le même sujet que Patrick, et je propose d'écouter son interview. Comment vous appelez-vous ? Je m'appelle Jonathan Bradfer, je travaille à la RTBF. J'allais vous demander qu'est-ce que vous faites dans la vie, mais donc vous êtes journaliste à la RTBF. Exactement, et je présente le 15 minutes sur la 2. Est-ce que vous avez une idée de la différence d'appréhension du temps dans les années 60. Non, mais j'imagine que les moyens de technologie avec lesquels on travaillait étaient tout à fait différents. Je sais que par exemple pour un sujet télévisé dans les années 60, on pouvait mettre 3 jours, 1 semaine pour le monter. Ici, nous, on doit juste mettre 2 heures. Donc je peux imaginer que la gestion du temps est tout à fait différente, oui. Bon, c'est assez similaire dans la vie quotidienne. Tout va beaucoup plus vite, les communications. Ici, on n'attend plus d'être rentré à la maison pour prendre son téléphone fixe pour appeler quelqu'un. On le fait dans sa voiture avec son oreillette, Bluetooth. Oui, tout va beaucoup plus vite, la télé aussi. Donc on travaille toujours au plus vite, au mieux. Justement, dans votre vie, est-ce que vous avez le temps de cuisiner le soir, par exemple ? Pas tellement, non, parce que je rentre, le journal c'est à 19h passé, le temps de rentrer il est 20h30, donc oui je cuisine, mais c'est vraiment la semaine rapide, manger vite et bien, essayer que ce soit bien quand même, et le week-end là je prends le temps, oui. Ah oui, et par contre, vous prenez le temps de manger à midi ?

D'où vous venez? Pourquoi est-ce que vous faites cette émission? Quel est un peu le concept du projet? Les Indélébiles, nous sommes les Indélébiles. Nous sommes des journalistes joyeusement stressés et déprimés. C'est bien, c'est un bon point de départ. Voilà. Très intéressant, Jonathan Bradfer. Lui, il procrastine tout le temps et nous, nous procrastinons dans les rhododendrons. Après Jonathan, nous avons eu l'occasion de rencontrer un ingénieur du son, Orlando, et Nina voudrait nous donner quelques mots à son sujet. Non, non, moi je voudrais d'abord revenir à Jonathan parce que je trouve que c'est un garçon formidable, qui a beaucoup de responsabilités dans son travail et qui est très conscient qu'il fait un métier qui engendre un grand stress. Mais il semble capable de le maîtriser. Il se dégage de lui une attitude tellement zen qu'il applique sans doute, sans le savoir, la technique de la pleine conscience. Il a une attention très aiguisée, une concentration permanente. Il analyse beaucoup ce qu'il fait. Mais il faut dire aussi qu'il est jeune. Hein. Son corps réagit encore très bien à la pression. Je ne voudrais pas être vraiment l'oiseau de mauvais augure, mais avec le temps, toutes ces personnes qui travaillent dans l'audiovisuel et dans l'informatique, par exemple, les nouvelles technologies, risqueraient éventuellement de souffrir d'ergostressie. Un mot assez barbare qui nous vient du Canada, qui est induit par une personne qui utilise les technologies de l'information et de la communication. C'est donc une maladie moderne d'inadaptation due à l'incapacité de l'individu de faire face aux nouvelles technologies. Et il réagit en fait de manière peu saine en général. Mais ça vient petit à petit. Espérons que Jonathan n'en souffrira pas. Tu peux déjà nous dire quelques mots sur Orlando ? Orlando, oui, c'est un technicien son qui a travaillé à la RTVF depuis sa sortie d'école. Je trouve qu'il fait excessivement bien son métier. Le problème, c'est qu'il est obligé d'appliquer des choses qui sont décidées pour lui par sa hiérarchie, par exemple. Et qu'avec l'âge, il sent qu'il résiste de moins en moins bien à la pression du stress. Il est plus vite fatigué, ça se répercute sur sa santé. Alors pour lui, son évasion, c'est écouter la musique douce. Wow. Comment vous appelez-vous ? Orlando. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Orlando ? Ben donc, je suis ingénieur du son, et spécialement pour l'instant à Vivacité, à Bruxelles. Et je m'occupe de la réalisation des émissions. Est-ce que vous pensez que dans les années 60, les gens appréhendaient le temps différemment que maintenant ? Je pense que plus on avance dans le temps et plus le temps est pesant dans notre société parce que ben, y a la pression de tous côtés. Je pense qu'avant le temps était plus dur physiquement. Maintenant le temps devient plus une pression psychologique où on doit tellement faire de choses en peu de temps que ça devient difficilement gérable. Je pense que c'est dans tous les métiers comme ça. En tout cas, moi ici, dans ma carrière, c'est ce que j'ai ressenti. C'est chaque année, c'est de plus en plus dur. De un, par la charge des choses, et de deux, ben, parce qu'on vieillit et que ben, le corps réagit différemment. Je n'étais pas là en 1960 pour dire qu'ils avaient sûrement d'autres pressions, mais nous, ça devient, le temps devient pesant. Je le constate qu'une journée chargée dans la concentration est plus difficile à récupérer que dans le passé. Tout autre chose, est-ce que vous avez le temps de cuisiner le soir ? Je rentre assez tard et j'avoue que le soir, c'est léger. C'est repas léger. Et donc, vous prenez le temps de faire un repas à midi, par exemple ? Voilà, donc ici, j'ai la possibilité de manger chaud à midi, donc ça me suffit. Si vous aviez du temps en trop, comment est-ce que vous pourriez l'utiliser ? m'oxygéner. Donc, éviter de courir après le temps. C'est ce qu'on peut faire de mieux pour décompresser. En dehors de votre métier d'ingénieur, est-ce que vous prenez le temps d'écouter de la musique ? J'avoue que de moins en moins, parce que je suis assez sollicité, point de vue son, dans mon métier, et donc j'essaie de me tourner vers autre chose quand je ne suis plus à mon poste. Ouais. Qu'est-ce que vous écoutez comme musique, quand vous pouvez ? C'est plutôt de musique assez relaxante, donc j'évite des rythmes soutenus qui boostent, qui mettent dans une certaine tension, je dirais. Donc c'est vraiment pas relaxant pour le corps et l'esprit. Généralement, j'aime bien tout ce qui est doux et calme et plaisant et planant. Un petit microfilm, par exemple. Voilà, ce genre de choses. Jacques, je vois que tu as quitté le rhododendron pour quelques secondes. C'est très bien, félicitations. Merci. Toi qui es le spécialiste de la musique de notre groupe, est-ce que tu as reconnu qui a joué l'illustration musicale de l'interview d'Orlando ? Oui, c'est interprété par Michael Field en concert Tubular Bells. C'est le 2 ou le 3 au fait, parce qu'il y a double face sur le disque. Mmh. Pourquoi est-ce que tu as choisi la rubrique jeunesse musicale ? Parce que je baigne dans le rock, j'écoute du rock depuis toujours, à 15 ans déjà, j'écoutais du rock. Donc, et j'aime la musique, au fait. Déjà quand j'étais petit, mon papa écoutait des trucs Maurice Chevalier et compagnie, quoi. Donc je suis dans le bain, quoi. Tu as eu l'occasion de faire une interview dans la rue à Nivelles. Tu peux nous en parler ? Oui, enfin, je suis tombé, j'ai pas eu beaucoup de chance. On a interrogé une jeune personne, une jeune étudiante, et je voulais lui parler de rock ou bien du hip-hop et tout, et elle est venue avec le classique. En parlant de classique, j'interprète le générique de ce qui va suivre de Jeunesse Musicale. Et j'espère que dans quelques temps, on pourra écouter ça sur donc Radio Campus, quand ce sera au point, mais sur l'instrument électronique. Génial, je nous propose de l'écouter. Jeunesse Musicale. Ce que vous écoutez comme musique, ce qui vous intéresse en musique. La musique classique. La musique classique. Donc vous aimez bien le piano et tout. Vous écoutez des musiques planantes, tout ça, classique, mais synthétisées. Classique, Tchaïkovski, mon okay. Truc. Pas de rap, techno, tout ça. Vous préférez le rap ou le rock, le hip-hop? Rien de tout ça, vraiment. Tout ça. Bien, merci, c'est bien gentil de nous avoir donné quelques minutes. Que la prison se trouve à côté de la gare, est-ce que vous vous sentez libre pour autant? Ah oui, je me dis juste que s'il y en a un qui s'échappe, il est vite parti, quoi. Est-ce que vous avez un mot pour définir la liberté? Un mot libre examen. Libre examen. Que pour vous, la liberté est un droit ou un acquis? C'est un droit. Pourquoi? Enfin, ça dépend des cas, parce que ça devrait être un droit, mais très souvent, ça devient plus un acquis. Quoi, mais... Moi, plutôt, je penserais le contraire de ce que vous venez de dire. Ouais. Pour moi, c'est un acquis, mais pour certaines personnes, ça devrait devenir un droit. Est-ce que vous vous sentez libre dans votre vie, ou alors est-ce que vous avez des... Non, personnellement, non. Vous ne vous sentez pas libre? Non, les horaires, les... Enfin, déjà, on veut sortir la nuit, enfin, on peut pas sortir, on se fait agresser, puis il n'y a pas de transport en commun, il n'y a que dalle, non, non, pour être libre, ça, non, on est archi dépendant de la société. Est-ce que vous êtes stressé de tous ces problèmes d'horaire de train, de bus? Ouais, parce que ça, à chaque fois j'arrive en retard quelque part, puis je me. Enfin, voilà, ouais, c'est vrai que ça stresse un peu. Enfin, savoir qu'on est dépendant de quelque chose, oui, évidemment, ça stresse, quoi. Parce qu'on n'est pas. C'est pas de notre volonté. Vous êtes dépendant du temps. Ouais. Le temps vous empêche d'être libre. Bah, si on prend du temps, on prend ma. Enfin, oui, on prend ma liberté aussi, quoi. Donc vous aimez la musique classique? Oui. Attends, je suis pas une bête dans le domaine, hein, mais... Vous faites la musique ou faites... Non, j'aime juste... Enfin, je trouve ça relaxant, quoi, les boum-boum et les gens qui font semblant de chanter. Et ouais, ça m'intéresse pas trop, quoi. Et vous sortez le soir ou vous écoutez oui, d'autres musiques? Je travaille dans un bar karaoké à XL, à côté du LB, d'ailleurs. Donc oui, non, j'écoute de tout, mais si moi, je dois choisir la musique, ce serait classique. Si vous avez... Oui. Arrivera dans quelques instants, vous avez un iPod ou un... Ouais. Et là, il y a quoi comme musique? Des chansons françaises, quelques trucs actuels, mais vraiment presque rien, et musique classique. Et vous écoutez beaucoup la musique? Ouais. Combien de temps par jour? Le temps de mes transports. 40 minutes le matin, 40 minutes le soir. Ah, quand même. Ouais. Oui. Est-ce qu'il vous arrive de cuisiner le soir? Ouh, ça m'arrive, oui. Mais c'est pas très bon, mais 20-30 minutes. Et cuisiner, des aliments que vous nettoyez, hein. Oui, des vrais aliments, sinon je sais pas cuisiner, mettre un truc dans le micro-ondes. Mais oui, ça m'arrive. On vous a pas demandé votre nom? Éléonore. Et vous faites dans la vie? Je suis étudiante. En kiné. En kiné? Ah, c'est bien. Tu t'es présenté, Valerio? Moi, je me suis présenté. Ouais, mais moi, c'est Valerio. Est-ce qu'il vous arrive de procrastiner? Ah oui, tout le temps. Souvent, oui. C'est à la dernière limite, c'est pas quoi. C'est bon pour vos études, ça. Ah oui, je sais bien. Et vous êtes en quelle année? En troisième. Et où ça? À Woluwe. À Woluwe? Mais quand... Donc c'est... Master, c'est ça? De quoi? Jacques. Jacques. Oui. Qu'est-ce qui joue la musique, là? Ou qu'est-ce qui va nous... Il paraîtrait, d'après ce que je lis, ça va être une musique de Iron Maiden. C'est une reprise du groupe The Who des années 70, My Generation. C'est passé du tout. 60, 70, 80. 60, 70, 80. 60, 70, 80. Bonjour madame. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger, je fais une interview pour Radio Campus. Je fais une interview sur les années 60 et 70. Est-ce que vous voulez répondre à mon interview, s'il vous plaît? C'est comme vous voulez. Est-ce que vous avez non, le temps de d'y répondre? Non. Vous ne voulez pas? Non. Ok, il n'y a pas de problème madame. Bonne journée. Voilà, madame n'a pas eu le temps de répondre. Oui. Bonjour monsieur, excusez-moi. Malheureusement, on est pressé. Je suis en train de travailler. Mais... Ah, excusez-moi alors, je vous laisse. Si vous pouvez vous adresser à quelqu'un d'autre, ça m'arrangera bien. Ok. Excusez-moi madame, je fais une interview pour Radio Campus. Je fais une interview sur les années 60-70. Est-ce que vous auriez le temps de répondre à quelqu'un? Je n'ai pas beaucoup de temps, justement. On partait déjà et ça veut dire quoi comme question? C'est des questions que j'ai préparées comme ça. Allez-y, dites un petit peu, si vous voulez. Bonjour, comment vous appelez-vous? Nelly. Nelly, que faites-vous dans la vie? Ben, je suis pensionnée maintenant. Oui, vous êtes pensionnée. Voilà. je m'en doutais un petit peu. Bah oui, hein. Ce sont les questions. Que pensez-vous des années 60-70 en général? Ah ben là, je dois dire que c'était du renouveau, hein. C'était quelque chose, l'émancipation... Tout se prêtait à acheter. On était bien. Merci. Y a-t-il eu des effets sur la société? Excusez-moi. Des effets sur la société? Oui. Ben, y a eu un développement commercial. Oui. Ça, c'est certain. Tout le monde achetait et tout le monde jetait ce qui était vieux et on mettait du nouveau. Au niveau de la mode, même au niveau si, de la musique. Il y a eu, à mon avis, l'ère américain oui. est arrivé et voilà, et tout le monde était emballé.

C'est une façon aussi de montrer que dans la vie, ben, on est chacun peut-être différent, mais si on pouvait, dans cette différence, pouvoir se rapprocher, je trouve que ça ne serait quand même pas mal non plus. Je vous remercie beaucoup. Voilà. Merci beaucoup pour cette interview. Je vous en prie. Merci. C'est Brigitte. C'est Brigitte, oui. Merci beaucoup, Brigitte. Bonjour, je m'appelle Philippe. Oui. Comment vous appelez-vous ? Si je vous dis mon prénom, il est dur à retenir. Hein. C'est pas grave. Adolorata. Adolorata, oui. Wow, ça vient d'où ça ? D'Italie. D'Italie, de quel coin ? La Sardaigne. Sardaigne, oui. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Comme travail ? Je travaille chez Prémaman, qui est maintenant Orchestra. Orchestra, voilà. C'est la même société qui a changé de nom ? C'est plutôt Prémaman qui a été racheté par Orchestra. D'accord. Voilà. Voilà, nous travaillons pour Radio Campus, la radio de l'ULB. Oui. Je vous présente Sandro, qui va vous poser quelques questions sur les années 60, 70, 80. Qu'est-ce que vous aimez bien comme chanteur des années 80 ? Ah oui, bah plutôt le disco, hein, dans les années 80. Oui. Oui, bah voilà, c'est ça, ça bouge, ça move, et c'est toujours d'actualité, en fait. Oui. Voilà. C'est tout. Merci de vos incorporations. Voilà, c'était le très agréable reportage de Grégory et Sandro qui n'ont pas pu se joindre à nous aujourd'hui. Marianne, qu'est-ce que tu écoutes comme musique, toi ? Moi, j'aime bien soit la musique des années 80, soit des musiques plus calmes comme Lorena McKennitt. Ah oui, Lorena McKennitt, génial. Nina ? Oui. Ce que j'écoute comme musique ? Oui. Ce qui passe à la radio, essentiellement nostalgie. Et puis, quand je repasse, j'écoute beaucoup de la musique classique. Ça me détend, notamment le concerto de Rachmaninov. Ça, j'adore. Ah oui, magnifique. Et Radio Campus, de temps en temps ? À partir d'aujourd'hui, je le ferai. Bravo. Valerio ? Moi, j'écoutais essentiellement de la musique classique. Ah oui, oui, je comprends. Et j'adore le dernier album de Mozart. Oh là, il faut... Rachida, qu'est-ce que tu écoutes comme musique, toi ? Eh bien, moi, j'écoute les variétés de maintenant et un peu des années 80, quoi. Et toi, Laurent ? Moi, j'adore le métal et le hard rock. Non, je rigole. J'écoute beaucoup de comédies musicales et alors, grâce à Grégory, j'ai appris à aimer Queen. Donc, voilà, je fais une petite dédicace à Grégory. C'est un bon... Oui, bonjour, Grégory. Zoé, tu écoutes quoi comme musique, toi ? Mais c'est plus compliqué, je les fais moi-même et je les écoute dans ma voiture, des chansons décalées. Dis, tu pourras nous en faire écouter un jour aussi ? Faudra venir dans ma voiture. Ah, volontiers. 1, 2, 3, 4, 5, ça va, on serra un petit peu, mais on sera tous là. Laurent, tu animes la rubrique Liberté, alors je te propose de sortir des rhododendrons et de nous en parler un petit peu. Alors, ma rubrique s'intitule La tête dans les nuages et parle de liberté. Alors, pourquoi la tête dans les nuages, me direz-vous ? Bah, tout simplement parce que pour moi, la liberté, c'est rêver. Et comme on a pu en parler ultérieurement dans l'émission, pour me déstresser, je pars marcher et je commence à rêver pour m'évader. Eh ben, c'est tout à fait ça pour moi. Alors, pour revenir avec notre jolie étudiante Éléonore... elle m'a beaucoup intrigué avec ses réponses inattendues, ça m'a laissé sans voix. Je la remercie du fond du cœur. Dans la suite, nous allons revenir sur un témoignage d'un agent pénitentiaire qui, en pleine grève, a bien voulu nous répondre à nos questions. Sur un balayeur qui se trouvait là par hasard. Monsieur, bonjour, monsieur. On peut vous prendre un peu de votre temps ? Non, c'est... il y a un délégué. Ah ouais, mais... Il est au téléphone là. Okay. Et on peut pas poser quelques questions ? Non. C'est Radio non. Campus. Non. Ok. Vous n'avez pas le temps ? Bah non, je ne peux rien dire, moi je suis pas délégué syndical. Ah. Comment vous appelez-vous ? De Coster Fabien. Pourquoi vous faites grève ? C'est dû en partie à la surpopulation carcérale et également à l'arrivée du détenu Farid Bamouamat. Détenu réputé dangereux, difficile, et on n'est pas adapté pour pouvoir l'accueillir correctement. Est-ce que vous passez beaucoup de temps dans les prisons ?

Il vous arrive souvent d'arriver en retard? Non, jamais. Jamais? Ça fait 21 ans que je suis ici, je suis arrivé une fois en retard. Et à la prise de mon service, hein, je parle pas sur la ligne. Mais sur la ligne, justement. Hein, sur la ligne que je jouais, quand je roulais sous Bruxelles, c'était à chaque voyage. Quoi. Chaque voyage. Sauf pendant les vacances scolaires où c'est un peu plus relax. Mais bon, quand on roule sous Bruxelles, c'est pas comparable à ici. Hein. C'est la circulation, c'est les doubles fils, les triples fils, les trams qui bloquent tout, des gens à chaque arrêt. Si je vais partir sur Rotigny, ça peut, pendant 10 arrêts, je vais pas m'arrêter. Et donc vous arrivez à l'avance? Non. Jamais. Non, ça m'arrive de rouler à l'avance. Ça m'arrive, mais on fait attention de ne pas exagérer. Alors on s'arrête un peu plus loin, on attend. Et les gens sont fâchés quand ils sont quand ils Bruxelles, va le bus À Bruxelles. À Bruxelles, ouais. À Bruxelles, ouais. Ils sont pressés. Ils sont stressés, ils disent pas bonjour. Ici, d'ailleurs, j'ai roulé pendant 17 ans sur Bruxelles. Et pendant 17 ans, on vit dans une bulle. Et on parle plus aux gens, quoi. On ne parle pas et on regarde comme ça, on dit bonjour. Quand vous dites bonjour, vous ne répondez pas. Donc quand j'ai commencé à rouler sur Nivelle, les gens sont plus aimables, sont moins stressés. C'est bonjour monsieur, au revoir monsieur, bonne journée. Bon, au début, on m'a remis à ma place, évidemment, hein, parce que je ne répondais pas. J'étais encore dans l'optique de bruxellois. Et on fait comment, comme ça, pour vivre dans sa bulle? Ça vient naturellement. Ouais. Ça vient naturellement. Bon, au début, on essaye, hein. Et puis on essaye d'être courtois, d'être gentil, ça va pas ça. On va pas plus vous déranger. Hein. Est-ce que je dois partir de Normandie? Merci. Hein. Ouais, très intéressant comme personnage, n'est-ce pas? Vraiment spécial. Magnifique Marianne, tu animes la rubrique sur l'essentiel de la vie. Nous t'écoutons. Oui, pour chaque personnalité, l'essentiel était un petit peu différent. Donc, pour certaines personnes, c'était de bien faire son boulot. Pour d'autres, avoir des bonnes relations au sein de leur famille. Pour d'autres, garder un équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Et on va aussi passer en revue notre journaliste pour voir ce qui est essentiel pour eux dans la vie. Valério, peux-tu nous dire ce qui est essentiel pour toi dans la vie? Écoute, qu'est-ce qui est essentiel pour moi dans la vie? La musique classique d'abord, je reviens avec ça. Et dans la vie, je ne sais pas, mais en tout cas, dans les moments qu'on a passés ensemble cette semaine pour préparer l'émission, ça a été effectivement les rencontres qu'on a faites avec tous ces personnages et puis les moments qu'on a passés ensemble. Et j'ai trouvé ça assez essentiel pour moi. Voilà. Merci beaucoup, Valério. Et toi, Zoé, pour toi, qu'est-ce qui est essentiel dans ton travail, dans ta vie, En tout cas, dans ma vie, je ne sais pas, mais la dernière chose que j'ai vécue d'essentiel, c'était de faire des reportages avec vous, parce que c'était très très riche en chaleur humaine. Et je crois que le sentiment le plus agréable, le sentiment qui pour moi est essentiel, c'est d'être bouleversé par ce qu'on fait, par les rencontres qu'on fait. Et je ne sais pas si c'est une espèce de sensation d'être vivant. Après cette semaine, je suis toute vivante. Merci Zoé. Et pour toi Laurent, qu'est-ce qui est essentiel dans ta vie? Ce qui est essentiel, c'est d'être en vie et de penser librement. Donc je remercie mes parents m'avoir fait. Et penser librement, c'est quelque chose que je ne pourrais pas... Si on me supprimait le droit de parole, je pense que ce serait terrible pour moi. Donc tu es bien à la radio. Voilà. Merci Laurent. Et pour toi Rachida, dis-nous ce qui est essentiel. Eh bien pour moi, ce qui est essentiel, c'est tout d'abord avoir des échanges avec des personnes avec qui je rencontre. C'est toujours pas très facile pour moi parce que je suis timide. M'entendre avec mon compagnon Saïd, voilà. Félicitations, merci Rachida. Et pour toi Philippe, qu'est-ce qui est essentiel? Pour moi, l'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur. Ce qui est essentiel, c'est de pouvoir rencontrer des gens, de pouvoir avancer, se casser la gueule et apprendre à se relever un jour à la fois. Et je remercie vous tous et les gens qui m'entourent pour le moment. Ça m'aide beaucoup. Il y a des moments où j'ai des grandes difficultés. Et voilà, c'est encore un long chemin, j'espère, mais il est de plus en plus beau, entre autres grâce à vous. Merci. Merci à toi, Philippe. Et toi, Nina, pour toi, qu'est-ce qui est essentiel ? Pour moi, ce qui est essentiel, ce sont les liens d'affection que j'ai avec les autres, l'empathie, la convivialité, l'amitié, l'amour de mes amis, de mes enfants, des petits, de ma maman, des frères, sœurs, des amis, des connaissances, de vous tous ici autour de la table. C'est ça qui est essentiel pour moi, et c'est de faire de ma vie une oasis de bien-être. C'est-à-dire, il ne faut pas tomber, bien sûr, dans la béatitude contemplative, mais il ne faudra pas hésiter à consulter si un thérapeute, quand on a des maux physiques ou des problèmes psychologiques. Il faut se donner des moyens. Il existe des techniques multiples pour déstresser. Je vous en cite quelques-uns. Le yoga, la lecture, la thalasso, le cinéma, le resto, les amis, voilà. Et l'important aussi, c'est de rester positif dans toute situation, qu'elle soit difficile ou pénible. Voilà, dynamisme et positiver. Comme tu as raison, Nina. Merci beaucoup. Et pour toi, Jacques, qu'est-ce qui est essentiel ? Pour moi, l'essentiel, enfin, disons plutôt que c'est bonifiant, c'est comment je veux dire, c'est l'entente qu'il y a à la fabrique au centre, la fabrique du Pré à Nivelles. Entre la direction et les résidents, on se sent vraiment tous à l'aise, même si parfois il y a un petit accrochage, on oublie vite ça. Et l'essentiel aussi, c'est ma musique, ce que je compose avec le professeur Madame Hélène. Et c'est l'essentiel pour moi, c'est la musique, au fait, et l'amitié. Avec ton CD qui va bientôt sortir. J'espère que les enregistrements seront terminés cette année. Pour l'année prochaine, j'espère, je croise les doigts. On espère de tout cœur aussi pour toi, Jacques. Merci beaucoup. Merci. Je laisse la parole à Philippe. Je ne sais pas sa réponse, mais j'aimerais bien savoir ce qui est essentiel pour le rhododendron. Marianne, l'essentiel. L'émission sur l'essentiel. Merci à tous pour ce très riche reportage. Merci pour votre participation. Une semaine qui était pleine d'émotions. Alors, pour Orlando, Nina propose finalement une musique relaxante pour aider Orlando, entre autres, et nous tous et vous tous, à décontracter la colonne. Oui, en fait, je propose à ce grand sensible ingénieur du son à la RTBF, qui est Rolando, ça lui aidera pour détendre ses muscles douloureux. C'est un support musical que j'emploie également lors de mes séances de méditation. Et personnellement, ça me rappelle d'excellents souvenirs, parce que ce morceau était la berceuse que je faisais écouter à mes enfants, Françoise et Joël, pour les calmer quand ils devaient s'endormir. Donc voici Cradle Song de Johannes Brahms. Un grand merci à Radio Campus de nous avoir accueillis. Un grand merci à Zoé pour cette animation extraordinaire. Un grand merci pour leur présence ici à Valerio, à Zoé, à Laurent, à Rachida, à Marianne, à Jacques, à Nina. Un grand merci pour leur aide à nos amis qui... Un grand merci à Thomas. Thierry. Et oui, à Thierry aussi, pardon, qui est derrière la vitre, lui. Un grand merci à Christine, Grégory, Sandro, Pierre, Thomas et Frédéric. Un grand merci à l'ingénieur du son qui nous fait un travail extraordinaire. C'est Thomas. C'est Thomas, oui, oui. Et merci à toi, Philippe, d'avoir géré cette émission de main de maître. Un plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une très agréable soirée. Et prenez le temps de vivre. Les indélébiles. Les indélébiles de la fabrique du Pré.